c'est ton moment le plus égoïste. Saluons l'instant et ton entrée en piste. T'es beau en couleur dans ton paseo. On dirait une fleur, mais je trouve que tu manques d'eau. Seras-tu seulement à la hauteur de l'événement? C'est un art d'enlever un cœur. C'est ma vie, ma foi, le balai des moulinas, la bronca et la banda, la corrida. Tu me jettes du sable, tu regardes en l'air. Pauvre misérable, elle est pure, cette terre. Ma mort est certaine et sans effort. Toi tu te dis qu'on t'aime, que t'es le plus grand des matadors. On m'a piqué avant d'entrer, tu sais, histoire de m'exciter. Mais la chaleur de cette journée m'a usé et je suis entamé. Tu veux que je tourne, alors tournons. Tu veux que je danse, alors dansons. Mais tu te caches, pauvre garçon, et comme un lâche. Il y a des fausses notes dans ta chanson. T'acclamera avec ardeur. Et tu feras rougir les femmes. Les enfants auront de la peine. Tu rêves de château en Espagne. Tu es bien le roi de la reine. Si le spectacle est mes oripeaux, on valait vraiment la chandelle. À la fin de mon numéro, m'accorderiez-vous un cérémonial? Il est trop tard et j'en peux plus. La mort avance sur le terrain. Ce face à face est déjà perdu. Vas-tu enfin me tendre les reins? En mon honneur et à ta gloire, au taureau et à son bourreau, mon horizon devient tout noir. Je perds pied, je tombe de haut. Je vois pourtant les mouchoirs blancs. Quelle ironie, oh matador. Ton soir entaché de mon sang, c'est ta victoire. Et je suis mort.